vous avez le droit de murmurer à l'oreille des chevaux. Parce que vous avez le droit de craquer pour un poulain et de l'élever avec passion. Parce qu'avec Sur la route de vos projets, la série de podcasts de la Banque Postale présentée par Ariane Massenet, vous avez le droit de partir à la rencontre de ceux qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés. Découvrez en exclusivité sur les plateformes de streaming tous les épisodes de Sur la route de vos projets. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. La Banque Postale, intermédiaire du crédit du prêteur. Quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais amoureuse d'un cousin assez lointain et je pensais l'épouser. Et comme c'était un cousin très bourgeois, il était bien évident que notre mariage se ferait d'une manière très familiale. Et je pensais au contraire avoir des enfants, une famille, etc. Ah ouais. Et c'est plus tard, lorsque ma vocation, ce que je peux appeler ma vocation intellectuelle, s'est précisée, qu'alors je n'ai plus vu la nécessité ni du mariage. Je n'ai pas vu la nécessité du mariage parce que je ne voyais pas la nécessité pour moi d'avoir des enfants. C'est plutôt ça. Et pourtant, sans voir la nécessité d'avoir des enfants ni de se marier, Simone de Beauvoir passera sa vie à aimer et réfléchir sur l'amour. Depuis ses premiers journaux, où à 18 ans, elle s'interroge sur la part de soi qu'il faut donner ou abandonner quand on est amoureuse, jusqu'au pacte passé avec Sartre qui scelle la distinction entre amour nécessaire et amour contingente. Sans compter les amants du cœur et de corps qui viendront confirmer ou bousculer ses travaux sur le sujet. Simone de Beauvoir, c'est la force de la volonté constamment mise à l'épreuve par les lois du cœur. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me Bonjour Kate Kirkpatrick. Bonjour Ada Van Watre. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous depuis Oxford, où vous vivez et où vous travaillez. Vous enseignez la philosophie à l'Université d'Oxford, en Angleterre donc. Vous travaillez sur la philosophie de Beauvoir, Sartre, sur la phénoménologie française. Et vous avez fait paraître une biographie de Beauvoir qui s'appelle « Devenir Beauvoir, la force de la volonté » aux éditions Flammarion. Et alors je vais tout de suite couper les élans romantiques de nos auditeurs parce que pour vous, cette chanson, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, eh ben, ça illustre l'amoureuse de mauvaise foi que Beauvoir a en horreur, n'est-ce pas? Oui, je pense en effet que cette chanson, c'est une illustration très bonne de l'amour de l'amoureuse et l'idée qu'on peut chercher solitairement un salut individuel dans la vie amoureuse au niveau personnel. Et oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Mais aussi parce que il me paraît que beaucoup de malentendus sur la vie et l'œuvre de Beauvoir sont basés sur l'ambiguïté du mot amour. Il va sans dire peut-être que amour est un mot polyvalent. Toutefois, une des thèses centrales du deuxième sexe est que les femmes grandissent sous une multiplicité de mythes incompatibles. Mmh. Et le mythe le plus difficile à éradiquer étant que l'amour est la vocation suprême d'une femme, dans les mots de Beauvoir, ce qui justifie son existence. Alors, c'est ironique dans sa propre vie que le personnage de Simone de Beauvoir a pris un caractère mythique, en partie à cause de sa relation avec Jean-Paul Sartre. Oui, et vous montrez bien dans votre biographie que cette relation avec Sartre a été certes mythifié, mais aussi présenté sous un jour pas très fidèle à la réalité, parce que bien souvent on présente Beauvoir comme étant la disciple de Sartre, et puis la victime de ses amours polygames, et vous vous dites, bah non, en fait, Beauvoir elle-même était beaucoup plus libre que ce qu'on dit, et elle était tout à fait consentante au polyamour qu'il lui a proposé. Oui, oui. Je pense que c'est pour ça que je trouve la vie et la combinaison de la vie et la philosophie de Beauvoir si passionnant, parce que Beauvoir a discuté le pouvoir des mythes et de mystification, et elle dit dans le deuxième sexe que le mythe s'explique en grande partie par l'usage que l'homme en fait. Mm-hmm. Et je pense que le mythe de l'amour, ça, il a ce pouvoir de suggérer aux femmes que, en fait, il est très important d'être aimé, il est très important d'aimer. Et Beauvoir est d'accord sur un niveau. Elle pense que le besoin d'être aimé et d'aimer sont des besoins fondamentaux dans l'expérience humaine. Ils font partie de la condition humaine. Mais elle pense que c'est si important qu'il faut analyser les mythes qui font obstacle à ces besoins, mm-hmm. à ces vrais besoins. Mm-hmm. Oui. Ça veut dire, et ça on peut le dire d'emblée, parce qu'on va parcourir aujourd'hui à la fois les journaux de Beauvoir, les archives où elle-même parle de sa propre vie, de ses expériences, les lettres d'amour qu'elle envoie, etc. Et puis bien sûr, lire comment tout ça a un fondement théorique dans son travail, le décalage parfois entre la théorie et la pratique. Mais ça veut dire qu'il y a une différence autour de l'amour selon que l'on soit un homme ou une femme. Les attentes ne sont pas les mêmes et les possibilités d'aimer, même on pourrait aller jusque-là, ne sont pas les mêmes. Exact. Oui, et elle le discute à la fin de la deuxième partie du deuxième sexe. Elle précise qu'il est absurde de parler de la femme en général ou l'homme éternel, c'est bien connu. Mais en général, elle dit les situations des femmes et des hommes sont profondément différentes. Si vous permettez, je voudrais partager un extrait de la fin de la deuxième partie parce que c'est très important pour l'amoureuse. Je cite, si l'on confronte ces situations mêmes, il est évident que celle de l'homme est infiniment préférable, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de possibilités concrètes de projeter dans le monde sa liberté. La liberté est entière en chacun, homme ou femme. Mais il n'y a pour la femme aucune autre issue que de travailler à sa libération. Cette libération ne saurait être collective et elle exige avant tout que s'achève l'évolution économique de la condition féminine. Cependant, il y a encore quantité de femmes qui cherchent solitairement à réaliser leur salut individuel. Mmh. Elles essaient de justifier leur existence au sein de leur éminence, et cet ultime effort de la femme emprisonnée, c'est cet ultime effort de la femme emprisonnée pour convertir sa prison en un ciel de gloire, sa servitude en souveraine liberté que nous trouvons chez le narcissiste, chez l'amoureuse et chez la mystique. Oui, c'est le texte qu'on trouve à la fin. Et alors, il y a même des textes qui sont d'une cruauté, enfin d'une dureté envers la femme amoureuse qui sont vraiment terribles. Alors, je vous propose pour qu'on tire le fil un peu biographique quand même de l'existence de Beauvoir pour comprendre comment ce qu'elle dit sur l'amour à la fois fait référence à sa propre expérience et en même temps révèle le fossé, l'écart qu'il y a entre ce que sa volonté désire et ce que son cœur, ce vers quoi son cœur la porte. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on entende un premier texte. C'est un extrait de son cahier de jeunesse, on les trouve, ces cahiers de jeunesse, les premiers c'est de 1926 à 1930. Ce texte est écrit en 1926, elle a 18 ans, et écoutez la façon qu'elle a de parler de l'amour, ça semble programmatique ensuite de l'amour qu'elle éprouvera plus tard pour Sartre. Quel est le sentiment le plus propre à tremper et à éprouver une âme? Je crois que c'est l'amour. Mais il y en a tant d'espèces. Il y a celui pour un être qu'on méprise, je ne le conçois guère. Il y a celui qui est une passion effrénée, indomptable, celui de Phèdre. Je ne crois pas qu'il puisse avoir de valeur morale. Il y a la passion pour un être supérieur, qui n'est qu'un grand désir de donner, sans retour sur soi-même. Besoin non d'être aimé de celui qu'on aime, mais simplement de lui ressembler, de travailler pour lui, d'avoir une petite place à ses yeux. Un tel amour peut s'accompagner de beaucoup de souffrances, mais il est d'une grande sécurité. C'est l'incarnation d'un idéal. C'est le but et la raison d'être enfin trouvés. Un point fixe, une base solide, comme serait une croyance. Il y a l'amour pour un être de valeur à peu près égale à la vôtre. Et c'est là le plus difficile, peut-être le plus fécond. Il n'est pas une subordination, et il laisse à celui qui aime le soin de chercher ses propres directions, de mener une vie intellectuellement indépendante. C'est là qu'il faut accomplir le prodige de se donner tout en se réservant, sans donner moins parce qu'on se réserve, sans se réserver moins parce qu'on se donne. Je crois en effet qu'on est influencé l'un par l'autre, il y a eu des conversations, mais même pas des conversations, il y a une situation commune d'abord. C'est que nous avons quoi, 2 ans de différence, ou 3 peut-être, mais enfin, nous sommes à peu près au même âge, c'est-à-dire ce que j'appelle l'entrée en vieillesse. Alors ça, nous l'avons senti tous les deux, nous nous ressemblons quand même sur des tas de points, nous sommes indifférents sur d'autres, donc c'est assez normal que nous l'ayons senti un peu pareil. Et il y a eu certainement eu des conversations, cette espèce de magma qui fait que, après tout, il m'a influencé, je l'ai influencé, donc c'est un truc commun. Confiné avec Simone de Beauvoir, c'est le programme de cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Et aujourd'hui, la Beauvoir amoureuse de Sartre, mais pas que, la Beauvoir femme amoureuse qui réfléchit sur ce que c'est qu'être une femme et être amoureuse. Et puis la Beauvoir que vous venez d'entendre, à la fois celle qui a 18 ans et qui dit que finalement l'amour qui est le plus fécond, eh bien c'est celui qui consiste à se donner tout en se réservant. Et la manière qu'elle a parlé de son amour et de sa relation avec Sartre beaucoup plus tard, en 1967, dans l'archive que vous avez entendue, eh bien, semble confirmer ce qu'elle dit. Qu'en pensez-vous, Kate Kirkpatrick? Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'elle écrit à 18 ans et ce qu'elle vivra plus tard avec Sartre? Ah oui, je suis convaincue, en fait. Et je trouve ce texte des cahiers de jeunesse très intéressant parce qu'on trouve là une esquisse de la philosophie de l'amour qu'elle présente dans ses œuvres morales des années 40 et dans le deuxième sexe, dans d'autres passages de d'août 1926, on trouve cette idée de l'amour et l'idée que l'idéal de l'amour est une forme d'équilibre. Mm-hmm. Et le concept de liberté est un cliché de l'existentialisme. Toutefois, à mon avis, pour Simone de Beauvoir, le concept de l'amour était presque, sinon également, aussi important. Grâce à la publication de ses cahiers de jeunesse, on peut voir maintenant son propre développement philosophique. Et ce qui m'interpelle dans ce passage est qu'on le trouve cette esquisse de sa philosophie de l'amour, mais aussi un éclaircissement de sa propre opinion des amours désordonnés ou des désirs mal orientés. Au niveau philosophique, elle a pensé que le besoin d'aimer, comme j'ai dit, et le désir d'être aimé sont au cœur de toute personnalité. Mais comme jeune catholique, elle croyait qu'un principe central de l'éthique était que vous devriez aimer votre prochain comme vous-même. Cependant, la signification de ce principe est discutable et il est difficile de le vivre. Et de plus, grâce à ses lectures philosophiques et littéraires, Beauvoir connaissait une question débattue par les philosophes, même à l'âge de 18 ans. L'amour est-il compatible avec la justice? Quelle est la relation entre eux? Et comme exemple, je citerai deux conceptions dont Simone de Beauvoir s'est inspirée. Selon Saint Bernard de Clairvaux, l'amour sans justice n'est pas une vertu. Toutefois, selon Leibniz, l'amour est la source de la justice. Pourtant, il faut rappeler que dans l'enfance de Simone de Beauvoir, l'amour humain semblait apporter peu de justice. À 18 ans, elle demandait déjà « Était-il possible pour une femme de vouloir aimer sans s'infliger une injustice ?» Et à mon avis, Beauvoir a pensé que c'était possible. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre ou la réciprocité du don de soi et de recevoir. Oui, c'est ça, c'est la notion de réciprocité cependant, qui revient beaucoup. Oui, et on le trouve dans la pensée de Beauvoir très très tôt. Elle a aussi souligné deux menaces potentielles dans ce type de relation. Ce qui prouve, d'après Beauvoir, que l'on peut échouer d'aimer, soit par manque, soit par excès. Et elle a nommé ces deux échecs l'égoïsme et le dévouement. Ces échecs sont des possibilités d'amour en général, pas seulement d'amour romantique. Et elle les présente comme des échecs éthiques et des espèces de mauvaise foi dans son essai Pyrrhus et Sénéas et encore dans le deuxième sexe. Mais introduire cet idéal de justice dans le domaine de l'amour a quelque chose de contradictoire, non? Parce que l'amour, en tout cas l'amour pour quelqu'un, l'amour ressenti pour un être aimé, peut être du côté de la passion, alors pas toujours, mais enfin c'est rarement le domaine du calcul, ni même de l'éthique qui émanerait d'une décision ou d'une volonté. Donc ça veut dire que c'est plus l'amour chrétien, comme vous disiez, ou est-ce qu'elle essaye vraiment, dans ses relations amoureuses avec les hommes et avec les femmes, parce qu'elle en aura, d'introduire cet idéal de justice au risque d'être contradictoire? Oui, mais c'est toujours le risque avec l'amour et la justice. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un justement? C'est une question discutable pendant les siècles. Mais pour elle, je pense que sa féminisme, ça découle de ces convictions d'injustice. Elle dit dans les mémoires de jeune fille rangée et aussi dans les entretiens des années 60 que dans son enfance, l'idée que les hommes, au niveau de les hommes, il n'y a pas de distinction entre homme et femme, a beaucoup influencé sa pensée dans le deuxième sexe et après son féminisme. Et je pense qu'il reste, même s'il n'est pas consistant philosophiquement, il reste des idéaux de l'amour chrétien dans sa pensée et dans sa vie aussi, oui. Sur cette histoire sur la question de la réciprocité, c'est effectivement ce qu'elle met en avant assez vite et c'est ce qu'elle va aimer dans sa relation à Sartre. Relation dont j'ai déjà dit qu'elle était teintée de toute une mythologie qui parfois ne rend pas justice précisément à ce qui s'était passé. Par exemple, cette histoire du pacte justement que Sartre lui aurait proposé entre un amour nécessaire qui serait le leur et des amours contingentes qui seraient les aventures qu'il pourrait vivre. Vous avez parlé de Leibniz tout à l'heure. Beauvoir a travaillé sur Leibniz et la distinction entre nécessaire et contingente est une chose qu'on trouve dans la philosophie de Leibniz. Alors, avant de faire la vérité sur cette question, enfin la vérité telle que vous l'écrivez dans votre biographie, je vous propose d'écouter un extrait d'un téléfilm qui s'appelle Les Amants du Flore, qui est un téléfilm français en 2006 avec Laurent Deutsch dans le rôle de Sartre et Anna Mouglalis dans le rôle de Beauvoir. Écoutez l'idée que l'on se fait de la signature de ce pacte, et puis vous nous direz ensuite dans quelle mesure c'est fidèle à la réalité. Je n'ai aucune vocation pour la monogamie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous aime comme un fou. Et je vous aimerai toujours. Mais je suis écrivain. Et alors? Je ne veux pas vivre comme ces vieux cons de l'académie. Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes. Qu'est-ce que vous entendez par contingente? Sans importance, non essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien. Moi aussi. Vous aussi quoi? Je suis un écrivain. Des amours contingentes, moi aussi, j'en ai besoin. Ça, je sais pas, ça dépend. De quoi mon expérience est bien plus limitée que la vôtre. Vous avez envie de connaître d'autres hommes? Avouez que vous détesteriez ça. Ce serait justice. Avouez que vous seriez jaloux. Pas si nous nous racontons tout, jusqu'au moindre détail. Vous êtes dégoûtant. De cette façon, vos expériences sont miennes, et réciproquement. Et nous devenons riches de nos devis pour écrire. Vous êtes fou. Pour ça, il faut une femme qui ait de l'audace, de la tripe. Et vous êtes celle-là. Je suis pas celle-là. Vous êtes d'une envergure exceptionnelle. Je vous connais mieux que vous-même. Cessez de me flatter. Je suis pas dupe. Je n'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie. Je vous jure, Castor. Je vous propose un vrai pacte d'amour. Pas un contrat hypocrite comme le mariage bourgeois. Où tout le monde triche, tout le monde ment. Alors c'est d'accord. Vous bluffez ? Je ne veux plus rien faire comme les bourgeois Sartre. Le seul choix qu'ils nous laissent, c'est d'être mariés de force ou de rancière vieille fille. Alors je vous prends mon. J'accepte le pacte. Cette scène du téléfilm d'Ilan Durin-Cohen, qui date donc de 2006, est assez fidèle au passage que l'on trouve dans La force de l'âge, le livre de Beauvoir, où elle raconte comment ce pacte a été signé. Mais vous montrez vous-même dans votre biographie de Beauvoir, Kate Kirkpatrick, que ce que Beauvoir écrit dans ses livres contredit parfois ce qu'elle écrit dans ses journaux. Alors qu'en est-il vraiment de la signature de ce fameux pacte? Ah, je trouve ce dialogue assez drôle, en fait, parce que le sujet actif dans cette conversation, c'est Sartre. Beauvoir, elle dit « vous êtes dégoûtant », et elle est très passive, quoi, parce que elle accepte le pacte avec hésitation, je trouve. Mais en fait, si on lit des cahiers de jeunesse de Beauvoir, on trouve que elle était déjà convaincue qu'elle peut aimer des gens plus un homme oui. À la même fois. En effet, après avoir connu Sartre, elle a fait la connaissance de Sartre en juillet 1929. Après 2 mois. Elle a fait des bilans de ses sentiments et elle a dit que Sartre, je cite, est en mon cœur et en mon corps et surtout, car en mon cœur et mon corps, bien d'autres pourraient être l'ami incomparable de ma pensée. Mm-hmm. Et donc, on a cette légende d'amour, c'est une légende d'un amour romantique et érotique. Et je pense que beaucoup de gens comprennent cet pacte comme à ce niveau, le niveau de le romantique. Mais pour ma part, de toute évidence, il semble que, en fait, la centralité de Sartre dans la vie de Beauvoir était intellectuelle. Mm-hmm. Et elle a choisi activement cette relation et je trouve que la légende a mutilé l'histoire et parce que Simone de Beauvoir est Simone de Beauvoir, ce qui me frappe c'est que elle a fait pour une raison. Donc pourquoi a-t-elle décrit la relation comme ça? Mm-hmm. Et je pense que c'est possible parce que elle a écrit ses mémoires dans cette façon d'une sorte d'engagement politique avec les femmes qui ont grandi comme elle dans le contexte où l'amour était mythifié pour poser des questions à son lectorat, à ses lecteurs et ses lectrices. Qu'est-ce qu'on veut quand on veut l'amour? Mm-hmm. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que vous soutenez que Beauvoir était beaucoup plus active dans ce pacte qu'on lui dit, qu'elle n'était pas victime d'un système mis en place par Sartre, mais non seulement qu'elle était active, mais qu'elle y trouvait son compte? Ah, je pense pas qu'elle était victime de Sartre. Je pense qu'elle était active dans ce pacte, mais je pense que sa situation était très différente que la situation de Sartre parce qu'elle était femme. Donc le choix, ce n'est pas le même choix pour un homme et une femme dans le contexte des années 20 de vivre comme ça. Et donc c'est un peu compliqué ça. Mm-hmm. Alors, ouais, la question de savoir est-ce que ce type de relation a apporté de la satisfaction à Sartre et à Beauvoir, écoutez la réponse de Beauvoir. Moi, personnellement, Quand j'ai eu d'autres relations qu'avec Sartre, c'est parce que ça me plaisait, par conséquent, ça ne m'a pas posé de problème. Mais quand c'était Sartre qui avait des relations? Eh bien, la plupart du temps, ça ne me gênait pas du tout, parce que je savais qu'il y avait quelque chose entre nous qui ne pouvait avoir avec personne d'autre. Une ou deux fois, quand même, cela m'a inquiété, parce que je me suis demandé s'il ne s'entendait pas avec une autre personne, mieux qu'il ne pouvait s'entendre avec moi. Mais ceci dit, ça n'a été que vraiment par éclair, et j'ai tout de suite été très très rassurée. Mais de ma propre vie, je sais aussi qu'un grand problème sont les tiers personnes. Est-ce que vous l'avez résolu, ce problème, dans la polygamie? Non, pas très bien. Parce qu'en effet, il y a des tiers personnes avec qui ça s'est tout à fait bien passé, et il y en a d'autres avec qui ça s'est mal passé, parce qu'ils n'acceptaient pas, précisément, cette situation de tiers personnes. Ça s'est mal passé quelquefois pour moi, très souvent pour Sartre, parce que les femmes, généralement, sont plus accrocheuses que les hommes qui ont autre chose à faire. Et les femmes mettent tout dans une histoire, très souvent. Et par conséquent, si l'histoire ne marche pas comme elles veulent, elles en sont beaucoup plus bouleversées que les hommes. Si, ce problème de la tierce personne, ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes mémoires, et elle existe très certainement. Et il y avait sûrement quelque chose de très égoïste de la part de Sartre, comme de la mienne, de faire ce pacte et d'engager des tierces personnes dans ces aventures. Nous les engagions. C'est un extrait du documentaire de José Dayan qui date de 1978, où Simone de Beauvoir discute notamment avec Alice Schwarzer. C'est intéressant, hein, Kate Kirkpatrick, d'entendre comment elle répond à la fois avec une grande fermeté, sans doute une grande honnêteté, mais on sent aussi toute la force de la volonté, pour reprendre le titre de votre biographie, qu'elle met quand elle parle de sa relation sentimentale. C'est quand même toujours le lieu d'un conflit, parce que ça peut pas être que le lieu d'une volonté. Oui. Oui, c'est très intéressant. Et elle a utilisé le mot aussi égoïste. Ouais. Elle dit que Sartre et elle aussi étaient égoïstes. Et c'est une autre raison que je pense que le moment est venu de penser autour de la vie de Simone de Beauvoir encore, parce que il y a une grande nombre de personnes qui pensent que cet amour, c'est un modèle de la polygamie, ou l'amour authentique qui est libre et fidèle en même fois. Et ce n'a pas passé très bien pour les tiers. Et Beauvoir, elle dit, en fait, qu'elle était égoïste. Et je pense que au niveau de philosophique, cette idée de la force de la volonté, mm-hmm. c'est un peu c'est juste un aspect de la pensée de Beauvoir. Et je pense en fait j'ai envie de citer Rousseau parce que quand elle pose la question de la soumission dans le deuxième sexe, je pense qu'elle a la pensée de Rousseau qui informe ces pensées-là. Mm-hmm. Et dans son 8e lettre écrite à La Montaigne, Rousseau dit que la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Et quand on a même deux volontés dans une relation humaine, c'est difficile d'avoir d'accord entre même juste deux volontés. Mm-hmm. Et avec les tiers, c'est la réciprocité, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense qu'elle a confronté des problèmes au niveau de cette insistance sur sa volonté, mais aussi parce que elle reste pour elle cette idée que la féminité consiste en la soumission à la volonté des autres. Oui, pas par essence, mais par état de fait. Elle décrit la féminité comme étant cet état de fait qui consiste à se soumettre aux autres. Oui, exactement. Et ce n'est pas une fait naturelle, comme elle a dit plusieurs fois, mais c'est difficile parce que quand on a des histoires différentes de chaque personne dans une amour, c'est difficile à réconcilier tous la volonté et les attentes de leur situation. Oui, ce qui donne des pages du deuxième sexe sur l'amoureuse, je le disais, très dure, où elle raconte comment le mot amour n'a pas du tout le même sens pour l'un et l'autre sexe. Et c'est là, dit-elle, une source des graves malentendus qui les séparent. Les hommes, d'un côté, oui. Dans leurs emportements les plus violents, ils n'abdiquent jamais totalement. Ils demeurent au cœur de leur vie comme des sujets souverains. La femme aimée n'est qu'une valeur parmi d'autres. Mais celle-ci, ce que rêvera la femme qui n'a pas étouffé sa revendication d'être humain, cette phrase est terrible, c'est de dépasser son être vers un de ses êtres supérieurs, c'est de s'unir, de se confondre avec le sujet souverain. Il n'y a pas pour elle d'autre issue que de se perdre corps et âme en celui que l'on désigne comme, qu'on lui désigne comme l'absolu et comme l'essentiel. Ce qui est fou, c'est que là, on parlait justement de l'amoureuse de mauvaise foi. Quand Beauvoir dit ça, c'est l'inverse, justement. Elle en appelle à une forme de lucidité quant au déterminisme qui font que les femmes, aiment de cette façon. Et ça, on n'a pas forcément envie de se regarder dans le miroir qu'elle nous tend, surtout à l'époque où elle écrit. Oui. Et ce passage, je trouve, au debout de l'amoureuse, entre deux points importants de Beauvoir. Le premier, c'est que dans l'état actuel de l'éducation et des mœurs, et je ne sais pas si c'est juste que dans l'état qui était actuel de l'éducation et des mœurs, le mot amour a ce sens pour des femmes. Et oui, c'est bien connu qu'elle n'est pas toujours juste à ces femmes contemporaines. On est en 1949, je le rappelle, quand elle écrit Le deuxième sexe. Oui. Mais l'autre point là, c'est son rejet de la vision des psychanalystes, selon laquelle la femme poursuit en son amant l'image de son père. Mm-hmm. Et donc, je pense, la voix dans laquelle elle écrit dans Le deuxième sexe, c'est très polémique. Et elle a écrit Le deuxième sexe dans 18 mois. Et donc, je pense que si elle avait connu que ce texte aurait le statut qu'il a maintenant, peut-être elle avait pris plus de temps. Peut-être. Je ne sais pas. Vous dire qu'elle est trop active dans ses conclusions? Désolée. Vous voulez dire qu'elle va trop vite en fait dans ce qu'elle dit. Elle affirme les choses en manquant de précaution, c'est ça? Oui, je pense. Mais c'est spéculatif ça. mais je pense que il faut faire attention ici parce qu'elle ne nie pas que l'amour est valable. Quelques féministes plus tard ont développé l'idée que l'amour est une arme d'un armement idéologique de patriarcat, c'est un piège pour les femmes, une exploitation pratique pour les hommes. Mais pour Beauvoir, je pense que elle voit cette besoin d'amour qui fait partie de la condition humaine et elle a envie de faire une sorte d'affirmation structurelle, mm-hmm. parce que c'est une partie de la condition humaine. Mais toutefois, l'idée que l'amour est la source de la valeur de la vie de la femme est oppressive. Et donc, avec cette idée de l'amoureuse, oui, elle est... il n'y a pas beaucoup de charité là, voilà. mais elle pense que on n'est pas une femme ratée ou un échec en tant que femme si on aime de manière conventionnellement féminine. Si on n'aime pas de manière conventionnellement féminine et l'amoureuse s'abandonne d'abord, elle pense pour se sauver. Et donc, c'est un paradoxe. Elle s'abandonne à l'homme pour se sauver. Oui, pour se sauver. Et pour Beauvoir, c'est un paradoxe parce que comme ça, elle finit par se renier totalement. Ce qui m'interpelle dans ce chapitre est qu'elle appelle l'amour une religion. Et elle juxtapose l'amour authentique, pas à la mauvaise foi, mais à l'idolâtrie. Mm-hmm. Et c'est très intéressant, parce qu'on a cette idée que même si un dieu n'existe pas, l'idolâtrie reste. Oui. Et si on si on donne votre liberté à une idole, ce n'est pas une chose heureuse. Oui. Surtout si cette idole, c'est un homme, c'est ça? Oui, oui, parce qu'elle dit, aucun homme n'est Dieu. Si on a envie de salut, il n'y a pas un homme qui peut sauver dans ce sens. Et je pense, en fait, une concept que je trouve intéressante dans le deuxième sexe, c'est le concept de destin. Parce que c'est souvent cité, il n'y a aucun destin biologique, psychologique. Le mot destin est utilisé par plusieurs philosophes de l'époque. Sartre cite André Malraux deux fois dans l'être et le néant. Le mort transforme la vie en destin. Et si on cherche les œuvres de générations précédentes, Léon Braunschweig, qui a supervisé le mémoire d'études supérieures de Beauvoir, a dit dans un article dans leur revue Métaphysique et de morale que la question définitive à laquelle aboutit la réflexion de l'homme, c'est de savoir si son être se réduit aux particularités fragiles de son organisme et s'appuie dans les états successifs de sa conscience individuelle ou bien s'il a pour lui une destinée supérieure. Et je pense, quand Beauvoir parle d'un destin, elle parle de quelque chose singulière, qui concerne l'individu. Et l'amour, les mystifications de l'amour ne préservent pas cette singularité des femmes. Je pense que ça, c'est le concern pour elle. Et je ne sais pas si c'est un concern encore actuelle, mais je pense que c'était la mienne. Très vite, Sartre et moi nous attachâmes l'un à l'autre. J'avais 22 ans et lui 25. Je lui donnais avec enthousiasme ma vie et moi-même. Il fut le premier homme avec qui je couchais. Aucun auparavant ne m'avait même embrassé. Depuis longtemps, nos existences se confondent. Et je vous ai dit déjà à quel point je suis liée à lui, par un amour cependant qui se rapprocherait plutôt d'une fraternité absolue. Sexuellement, ce ne fut pas une parfaite réussite. Essentiellement à cause de lui, il n'est pas passionné par la sexualité. C'est un homme chaleureux, vivant en tout, sauf au lit. J'en eus vite l'intuition malgré mon manque d'expérience, et peu à peu ça nous parut inutile, voire indécent, de continuer à coucher ensemble. Nous abandonnâmes au bout d'à peu près 8 ou 10 ans, peu couronnés de succès dans ce domaine. Et puis vous savez ce qui est arrivé. Sartre et Bost mis à part, j'ai 3 fois dans ma vie passé une seule nuit avec des hommes, des amis que je connaissais déjà, qui m'attiraient, bien qu'il n'eût aucune possibilité de nouer de véritables liaisons avec eux. Quand je revins vous voir à Chicago, je prévoyais une aventure de cette sorte. Vous me plaisiez, nous pourrions partager quelques jours agréables. C'est pourquoi je dis que vous m'avez piégé. Je ne m'attendais nullement à un amour. Je ne pensais pas être séduite et vous m'avez rendue amoureuse de vous. Fait revenir à Chicago et vous aimer toujours davantage. Tout cela, Nelson, n'est qu'une autre manière de vous dire que dans vos bras j'ai connu un amour vrai, total. L'amour où le cœur, l'âme et le corps ne font qu'un. Écoutez C'est Simone de Beauvoir qui écrit une lettre d'amour à Nelson Algren le 8 août 1948 sur France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Beauvoir cette semaine, on est même confiné avec Simone de Beauvoir et aujourd'hui en compagnie de la philosophe Kate Kirkpatrick qui enseigne la philosophie à l'université d'Oxford et qui a publié une biographie sur Simone de Beauvoir aux éditions Flammarion. La lettre que l'on vient d'entendre, lue par Hélène Losseur, est à la fois bouleversante et cruelle, d'ailleurs bouleversante aussi de cruauté. Ce qu'elle dit de sa relation avec Sartre est sans appel. En gros, Sartre n'était pas du tout intéressé par la sexualité, on y avait vite renoncé. Donc maintenant, c'est une fraternité absolue, dit-elle, mais une fraternité quand même qui les unit. En revanche, vous, mon cher Nelson, dit-elle, je m'attendais pas du tout à tomber amoureuse de vous. Et là, je vis un amour vrai, total, l'amour où le cœur, l'âme et le corps ne font qu'un. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'elle est amoureuse, elle l'est absolument et totalement sans réserve, Kate Kirkpatrick. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, la théorie et la pratique ne sont pas toujours assez en accord avec dans la vie de Beauvoir. Ce qui m'interpelle dans cette lettre, c'est le langage, c'est mystique, cette idée d'être un avec quelqu'un d'autre. On le trouve dans les autres lettres à les autres amants. Elle parle de amour total quand elle a écrit à Sartre au début de leur relation. Elle dit mon cher petit absolu. Et avec lancement, elle parle de union totale. Toutes ces phrases assez religieuses, quoi. Oui, c'est vrai, et qui semblent contredire la réciprocité, le don de soi, mais pas l'abandon de soi, dont elle fait la théorie par ailleurs. Oui, donc la théorie et la vie, c'est deux choses différentes. Ce que je me demanderais, c'est pourquoi est-ce la vie romantique de Beauvoir un point si central dans la réception de ses œuvres. Et c'est passionnant, évidemment. Oui, bonne question, oui. Et il y a des réponses évidentes. Par exemple, qu'elle a écrit ses mémoires et a donc ouvert sa vie à ce genre de critiques. Mais je pense qu'elle a écrit ses mémoires par engagement politique envers des femmes moins privilégiées qu'elle ne l'était. Et le bout de le faire était d'ouvrir des possibilités à ses lecteurs et ses lectrices, évidemment, de ne pas se concevoir comme des objets sexuels ou de pathologiser ouais. Leur désir d'être traités avec le respect qui convient à la dignité humaine. Donc, on a ce projet politique. Et c'est important, je pense, de contextualiser. Donc, cette relation avec Nelson Algren, cette lettre, ouais. Était écrite en 1948. Et quand elle a réfléchi sur sa vie d'un point plus âgé, je pense qu'elle a des conclusions assez différentes que des conclusions de sa jeunesse. Oui, d'autant que je me permets d'ajouter qu'un an avant, elle lui écrit « Je pourrais renoncer au voyage, je pourrais laisser tomber mes amis, quitter les douceurs de Paris et rester à jamais avec vous, mais je ne pourrais pas vivre uniquement de bonheur et d'amour. Je ne pourrais renoncer à écrire et à travailler dans le seul lieu du monde où mes livres et mon travail ont un sens. » Donc il y a d'un côté l'amour total dont elle parle, mais de l'autre... la certitude ou le choix, peut-être que là on retrouve la volonté, de ne pas vivre uniquement de bonheur et d'amour. Il lui faut autre chose, quand bien même elle l'aime passionnément. Oui, et c'est très intéressant parce qu'il est, il avait cette attente que parce qu'elle l'aime, elle quitte sa cité, ses amitiés, sa culture même. Et elle était une écrivaine française et la culture française était très importante pour elle. Et elle a dit non, je quitte pas ma vie pour vous. Et donc même avec ses passions. il y a aussi la volonté pour être fidèle à sa propre vocation et d'écrire pour sa culture parce que je pense que une chose qui me frappe dans cette lettre que vous avez citée, c'est que elle pense que la France est la seule. C'était quelle formulation elle a utilisée pour le seul place où ses œuvres ont un sens? Je ne pourrais renoncer à écrire et à travailler dans le seul lieu du monde où mes livres et mon travail ont un sens. Oui, donc c'est frappant ça, parce que Beauvoir a un concept de situation et de mythologie qui est très localisée culturellement, mais elle a sous-estimé le pouvoir de ses pensées dans d'autres contextes, je crois. C'est vrai, en tout cas en 2020, oui, ça paraît absurde de dire ça, puis tantôt elle est étudiée et lue aux États-Unis, en Angleterre notamment. Oui, mais en Mexique et en Iran, il y a beaucoup de Beauvoiriennes qui trouvent ses pensées et sur la condition féminine encore actuelles. Oui, donc c'est frappant. Mais bref, elle a dit oui, je vous aime, mais je ne quitte pas ma vie. Mm-hmm. Je ne laisse pas ma vocation pour être votre amant. Et dans quelle mesure, puisque vous posiez la question, est-ce que vous pensez qu'on parle tellement de ces histoires-là parce que c'est une femme? Finalement, on parle de l'amour chez Beauvoir. Alors, elle en parle beaucoup. Elle a écrit sur l'amour. Dans ses cahiers, elle a réfléchi sur l'amour. Elle a été plusieurs fois amoureuse. Mais vous avez raison. Pourquoi est-ce que de tous les philosophes du XXe siècle, celui, en l'occurrence celle dont on parle le plus à travers le prisme de l'amour, c'est Simone de Beauvoir? Oui, je pense que cette ambiguïté arrive parce que il y a ces deux niveaux. Il y a le niveau de besoin fondamental d'être aimé, et il y a encore le niveau mythologique d'amour et la promesse du salut en l'amour et je pense que c'est une tension dans son propre dans ses œuvres et aussi dans sa vie. Et pour illustrer le besoin fondamental, il y a un bref passage dans Pyrrhus et Cénias que je trouve très intéressante, parce que Beauvoir a une théorie de développement humain. Elle développe ses idées en dialogue avec des philosophes, évidemment, mais aussi avec la psychanalyse. Et en Pyrrhus et Cénias, elle écrit « Dès qu'un enfant a achevé un dessin, eu une page d'écriture, il court les montrer à ses parents. Il a besoin de leur approbation autant que bonbon ou du jouet. Le dessin exige un œil qui le regarde. Il faut que pour quelqu'un, ses lignes désordonnées deviennent un bateau, un cheval. » Et dans ce passage, ouais, elle dit, les adultes, ils ont peut-être envie que cette regard de loterie ne compte pour rien, mais qu'on le veuille ou non, on a besoin de l'approbation des autres. Et on a besoin de l'approbation des autres, de la reconnaissance des autres. Et c'est une chose ambiguë, parce que cette reconnaissance prend multiples formes. Ce n'est pas juste l'amour érotique. L'amitié était très, très importante en la vie de Simone de Beauvoir. Et je pense que l'amour, dans ce sens... amicale, c'est très important pour elle au niveau de la vie personnelle. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'est juste l'amour romantique qu'elle discute. Et pour moi, la question, il y a plusieurs questions intéressantes dans la philosophie et la vie de Simone de Beauvoir, mais je pense que en ce moment, on recommence avec la parution des Inséparables de discuter ces amants, est-ce que c'est une histoire d'amour lesbienne? Ou est-ce que c'est en effet une histoire qui montre l'importance des amours qui ne sont pas érotiques, mm-hmm, ou romantiques, des amitiés et la centralité des autres dans la vie humaine. Je pense que pour Simone de Beauvoir, ce n'est pas juste, comme Sartre dit dans Huis Clos, que l'enfer, c'est les autres. Pour Simone de Beauvoir, situation, c'est les autres. Et votre situation est constituée par les autres dans votre vie. Et évidemment, pour les femmes, dans le passé, le mari était très, très central, mm-hmm, dans leur vie. C'était leur source économique, peut-être leur source à le pouvoir politique. Mais Beauvoir a dit, tous les amours de la vie, les amours familiales, les amours des amitiés et les amours érotiques constituent votre situation. Et donc, je pense que l'ambiguïté arrive parce que ce mot « amour », c'est, mmh, très ambigu. Oui, ça c'est sûr. Mais alors, je renvoie quand même les auditeurs aux lettres, par exemple, qu'elle écrit à Claude Lanzmann, puisqu'elles sont maintenant disponibles au grand public. Hein, depuis 2018, il y a une lettre de 1953 qui est mais plus qu'une déclaration d'amour. C'est le seul amant qu'elle a tutoyé, c'est le seul avec lequel elle a emménagé quelques années. Et elle le dit, elle emploie des mots, mais justement d'adolescente, puisqu'elle parle de l'adolescente amoureuse dans le deuxième sexe. Tu es beau, je t'aime à mort, tu es mon destin, mon éternité, ma vie, ma joie, le ciel et la lumière de la terre, je me jette dans tes bras, j'y reste sans fin, je suis ta femme à jamais. C'est quand même donc la même Simone de Beauvoir qui a écrit le deuxième sexe et parlait de la mauvaise foi de la femme amoureuse qui écrit ces lignes. Ce qui montre bien, comme vous le dites, Kate Kirkpatrick, que le mot d'amour est ambivalent, voire même ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie en tout cas d'avoir discuté de l'amour chez Simone de Beauvoir dans sa philosophie et dans sa vie depuis Oxford où vous étiez ce matin. C'est un plaisir. Et je renvoie les auditeurs à votre biographie, donc qui s'appelle Devenir Beauvoir, la force de la volonté, avec une préface de Manon Garcia qu'on a reçue lundi à ce micro, qui elle était en direct depuis le Massachusetts, c'est-à-dire les États-Unis. C'est une biographie qu'on trouve aux éditions Flammarion. On se quitte en chanson. C'est une proposition de votre part, puisqu'on parlait de l'amour et du désir d'être aimé. Qu'est-ce que c'est la chanson que vous avez proposée? Ah, c'est une chanson anglaise qui s'appelle Bring Me a Higher Love. Et je pense que c'est intéressant du niveau de différenciation des amours authentiques, inauthentiques. Oui, donc c'est pour ça. On l'écoute. Think about it. There must be a higher love. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Simone de Beauvoir à Whitney Houston, vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie et du higher love à la question philo du jour par Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Et oui, on a mis la barre très haut avec Whitney Houston, hein, donc à vous de relever le défi. Votre question ce matin est la suivante, le pouvoir a-t-il une forme ? Alors je ne parle pas de sa forme constitutionnelle, ni de savoir si c'est une démocratie, une république, une monarchie ou une tyrannie. Je parle d'une entité plus mystérieuse, à la fois plus concrète et plus abstraite. La forme du pouvoir, on la trouve par exemple dans cette contradiction, ou plutôt dans ce rébus célèbre, celui du frontispice du Léviathan de Hobbes. Une sorte de roi monstrueux, fait de tous les corps assemblés de ses sujets et qui domine un paysage, une épée à la main. On n'a pas encore ouvert le livre qu'on a déjà compris. Il y a cependant, pour l'observateur attentif, un flottement entre l'image et sa légende. Le Léviathan biblique n'a pas cette forme humaine. Hobbes ne dit peut-être pas tout de la forme de l'État, ou peut-être dit-il que cette forme, on ne peut pas la connaître, ni même la regarder en face. L'État, éblouissant et glacial, la seule créature peut-être susceptible de terroriser Nietzsche, serait comme un corps noir. Il est si froid qu'il ne rayonne plus ou qu'il se fantasme comme étant invisible. Tout l'apparat du pouvoir, tous les ors républicains seraient un simple leurre, une contre-mesure. Et donc la vraie forme du pouvoir, ce serait l'invisibilité ? Bah, jamais le pouvoir n'a été aussi visible que ces jours-ci, paradoxalement, alors qu'est débattu le projet de loi sur la sécurité globale, dont on a très justement retenu un article, il est vrai, un peu hallucinant, celui qui interdit de diffuser des images de la police à des fins malveillantes. Alors cette pseudo-précision, à des fins malveillantes, suffit à révéler l'hypocrisie du projet, étant entendu que la diffamation, sous toutes ses formes, était déjà interdite en France avant ce projet. Est-il encore autorisé, cependant, de diffamer une loi ? Une loi qui nous empêche presque de regarder la police, dont l'esprit, en tout cas, est clairement à l'intimidation. Le bon citoyen, c'est dorénavant celui qui baisse les yeux au passage de la police. On a longtemps rêvé de mettre des caméras partout, on a fantasmé l'État moderne comme une prison panoptique, mais on se sera finalement aperçu qu'il était plus facile de crever les yeux des citoyens, parfois littéralement. Ayant échoué à éclairer partout, le pouvoir a finalement généralisé la notion de secret d'État. La police française est littéralement en train de devenir une police secrète. Et vous, vous êtes en train de nous prédire une dictature, non ? Bah, plutôt un vieux fantasme d'urbaniste, l'absorption définitive de l'Élysée par le ministère de l'Intérieur voisin. L'Élysée et son parc, l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture régence et donc du desserrement politique qui a suivi la mort du roi Soleil, rien de moins jupitérien que cette jolie folie républicaine, le ministre de l'Intérieur en face, un logange haussmannien, kafkaïen, incompréhensible, sa véritable entrée n'étant évidemment pas Place Beauvau, mais dans une façade lépreuse de la rue des Saussets où l'administration nous concède des papiers provisoires. Car ces histoires récentes d'attestation prouvent bien que le pouvoir nous fantasme tous en sans-papiers, comme il fantasme les journalistes en factieux. À l'Élysée, les lumières à l'intérieur, l'intérieur clos comme une chambre noire, les secrets de l'État et l'État comme secret. Et donc la forme du pouvoir, elle se cacherait à l'intérieur ? Bah en tout cas, au moins depuis le début, au moins depuis 2002, le début de la geste sarkozienne, celle d'un ministre de l'Intérieur devenu président de la République. Mais l'affaire plus ancienne des écoutes de l'Élysée le disait peut-être, l'inverse est tout aussi probable. Le président se rêve toujours en ministre de l'Intérieur et compte anormalement sur sa police. La démocratie en France semble ainsi avoir repris à la royauté le mythe un peu piteux de la fuite à Varennes, une fuite par ce souterrain souvent fantasmé qui relierait le palais présidentiel au ministère de l'Intérieur. Elle serait là la forme du pouvoir en France, le terrier de notre Léviathan. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara De Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, qui s'occupe également du site internet des Chemins que je vous recommande d'aller visiter. Sans plus attendre, faites-le maintenant, vous verrez avec toutes les citations des invités, la bibliographie, les images. Laurence Malonda, qui réalise cette série d'émissions et qui a trouvé les archives fabuleuses qu'on a entendues cette semaine, les archives notamment de Simone de Beauvoir. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clément Daté. À la lecture des textes, Hélène Losseur. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui donne chaque semaine, chaque vendredi, la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Patrice Maniglier. D'ici là, pour réécouter cette série d'émissions confinées avec Beauvoir, mais aussi la précédente confinée avec Bachelard, bah c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est toujours ravis de répondre à vos commentaires. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.